Chapitre 12. Le turban du grand-oncle Humbert. Mais le dîner doit être prêt, et M. Honorat nous appelle. On me présente au curé, l'abbé Seb, un petit homme noir comme une taupe, qu'on a invité en mon honneur. Il ne parle pas beaucoup, l'abbé Seb, par timidité peut-être aussi parce que toute l'attention dont le saint homme est capable se trouve accaparée par un CV qui vraiment donne haute idée des talents culinaires de Saladin. Au contraire, M. Honorat est fort expansif. La serviette au cou, il nous fait l'histoire des Gazans, ses aïeux, tous marins ou bien médecins. Et je me les figure, je les vois, les uns savants comme Averroès et Avicenne, les autres dépensant sur mer, en caravane, l'ardeur aventureuse restée dans leur sang. Monsieur Honorat, lui, serait plutôt du genre mixte. On le destinait d'abord à la médecine, mais le voyage l'a tenté. Il me raconte ses navigations dans le Levant. Il m'énumère les échelles. Corfou, Nègrepont, Samagouste, toutes sortes de noms qui, prononcés par lui, évoquent aussitôt des visions de villes à dômes et à minarets, avec des quais encombrés de ballots, peuplés de nègres mangeurs de pastèques, au milieu des odeurs de goudron fondu et des épices. Mademoiselle Norette l'interrompt parfois d'un « Est-ce bien vrai, père ?» qui soudain fait entrer le bonhomme dans de comiques colères feintes à moitié. Que cela n'étonne point. De tout temps, les Orientaux furent grands conteurs et c'est peut-être un reflet des mille et une nuits qui colorent si pittoresquement les imaginations méridionales. Il s'agit maintenant de l'arrière-grand-oncle Humbert, Humbert Pacha, comme on disait, qui, parti mousse sur ses 12 ans, avait à peu près parcouru toutes les mers dans un temps où les marins ne connaissaient que la voile et où il y avait vraiment quelques mérites à naviguer. Après un certain nombre de fortunes faites et aussitôt mangées, grand-oncle Humbert, le futur Humbert Pacha, se trouvait un jour en qualité de simple matelot dans un riche port d'Arabie. Le bateau amarré complétait son chargement. L'équipage courait les cafés de la ville. Et grand-oncle Humbert, dont la bourse était vide, essayait de tuer le temps en se promenant sur le quai. Un quai superbe, et long et large, avec des dalles de marbre blanc dont la réverbération brûlait les yeux. Quelqu'un vint à passer, un gros personnage du pays sans doute, vêtu de soie, couvert de bijoux, traînant un manteau tout en perles, et flanqué de 2 belles esclaves qui l'abritaient d'un parasol et l'éventaient d'un éventail. Machinalement, grand-oncle Humbert se mit à le suivre, marchant dans son ombre, la seule ombre qui fût sur le quai. Et en lui-même, il se disait « Mon pauvre Humbert, que tu t'ennuies ! Mais en voilà un, par exemple, qui n'a pas l'air de s'ennuyer !» Tout à coup, l'homme aux 2 esclaves sortit un mouchoir brodé de sa poche, se le passa sur le visage et s'écria « Coucan des dieux, cunto calour !» Étonné d'entendre un Turc se plaindre de la chaleur marseillais, grand-oncle Humbert lui tape sur l'épaule. « Quand vous laisse juge, que si es provençao ?» S'il était provençal, jugez un cousin, un gazan de la branche aînée dont la famille avait perdu la trace et qui était là-bas, quelque chose comme prince ou roi. « C'est même à cette occasion, concluait M. Honorat, que grand-oncle Humbert prit le turban pour quelques années. »« Il prit le turban ? » interrompt l'abbé. Oui, il prit le turban, il se fit turc. L'homme a besoin de religion, et toutes les religions sont bonnes. D'ailleurs, son turban, nous l'avons encore. Tiens, grand homme, prends l'escabeau et descends-moi le turban de grand-oncle Humbert, là, sur l'armoire. Gantôme descendit le turban, un gros turban jaune, et se l'essaya. « Elles sont toutes bonnes, les religions !» insistait Monsieur Honorat. « La religion musulmane, surtout ! Allah ! Allah !» Un tableau comique et charmant. Monsieur Honorat, convaincu. L'abbé n'osant pas se fâcher. Saladine, scandalisée. Ses grands longs bras maigres au ciel, et Norette qui riait aux larmes.